Tortoli et Arbatax ne prennent pas de vacances radiophoniques. Ou presque. C'est chaque mardi de 18h à 19h sur Radio Panique. Même pendant le mois d'août. Oui, madame. Ah. Salut tout le monde, c'est Tortoli, sans Arbatax, et oui, celui qui n'a jamais rêvé d'être seul. Mais pas tout à fait, on est un peu déçus quand même, on ne sait pas ce qui s'est passé. Arbatax n'est pas dans le coin. Aux dernières nouvelles, il a été happé par une moule dans le port d'une petite ville de Bretagne. Voilà, donc cette émission Tortoli Arbatax va se faire exceptionnellement, rassurez-vous chers auditeurs et surtout auditrices, sans Arbatax, mais toujours avec du bon son. Et on va débuter directo, j'ai envie de vous dire, par ce mois d'août ensoleillé et chaud, par Nose. Nose, un duo français qui nous joue là l'inconnu du placard. Le matin, mon amour, tous les Charlie. Ooh, my name is Charlie. You know my name. I'm called Charlie. C'était Nose. Et hey, c'était Nose, l'inconnu du placard. L'inconnu du placard, voilà, vous écoutez Tortoli et Arbatax Radio Panique 105.4. Arbatax n'est pas là aujourd'hui, mais il refera bientôt son retour sur les grandes ondes. On va s'enchaîner direct après avec To Me and the Volume. C'est des Sud-Africains, le titre s'appelle La Tête Savante. Voilà, c'est parti les gars. Il était vraisemblable que

every nerve, turning the serve, working it nerve, working the herb, turning some heads, burning them permanent, in period, y'all need to be learning it, sweep the tournament, beat the feast, tournaments with deep, discreet words, inserted and keep turning it out, turning it out to worms and keep furnaces packed, react verbally, back to back, surgery, aftermath, early with raps, it's sad, dirty in fact, murder your rap, bloody your lack, murder your mathematical militia missions, ambition will only keep your ass wishing so you can study my rap style, huddling back crack with your buddy and rap pal, cutting your ass down till you're utterly crap, brother, you can't match skill, now you're suddenly crap, caught in the act, yak, kill, now suddenly smacked and all face, all pill, like, what a reaction, now who the dope ass mama with all the fly flow, now who be rocking whole crowd from the front to the back, who make the ladies say how and the brothers say ho, now who the rhyme traveler shooting through the cosmos, I'm lyrically aligned with things that you can't see physically, therefore you can't see me. Master the cancer, it's burning the Black Panther, letting your head of your dead, and I'm only getting the dance floor warm for dancers. Carry the gift like claw, snapping a whip on Donner, Vixen, and Prancer. Ask for the future, I'm here, and have more information in the cyber hallway. Ask for your bastards or nap store, you fell in a trap door and entered the true realm of rappers that rap, war rap, draw tap, all actors, the black nerd thugs, showing your foe with the total strength of what a word. Does blurred up vision, my mission and intuition, nutritional, have you missing and pissing, if ever lyrically you would step in my kitchen, forbidden to sin in the throne, I'm sitting and didn't you know my adrenaline sitting on innocent victims and killing them slow, you feeling it though? Now who the dope ass rhymer with all the fly flows? Now who be rocking whole crowd from the front to the back? Who make the ladies say how when the brothers say ho? Now who the rhyme traveler shooting through the cosmos? Heart's beating back to the garden of Eden, but it's hard. culture, it can't be stopped. Don't you understand? Every man wanna be a pox soldier. From Haitians to Asians, all ages, man, he rocks over. Drowning in Coca-Cola, I know I already told you. And I hate to say I told you so, but I told you so. C'est chaque mardi de 18h à 19h sur Radio Panique. Même pendant le mois d'août. Oui madame. Ah. Everyone wants to be in the kitchen. with the fat Freddies in the kitchen. In the kitchen, whoa. Gravitate to the plate that Toby Blaze displays. He's cooking in the kitchen and we're eating for days. The boys come fishing just off of the bay. Doing it for the love because the music pays. So pass the bottle and bring out the craze. We got it cooking in so many ways. Yes, when we're home or when we're away. Still rocking rocks when my head turns gray. So many moons ago, right after the show, back to the pad you go. So just to follow your nose, so tell the girls and the bros, for those in the know, the only place to go is the stink by the kitchen sink on the third floor. That's where you get everybody's in the house. Now don't sweat it, you know when everybody is the place to be. Cooking red hot with the Fat Freddy's. Come on now. Yeah, yeah. The party really in. It's in the kitchen, you know the party really in. It's in the kitchen, the party really in. It's in the kitchen, the party really in. It's in the kitchen, the party really in. It's in the kitchen, you know the party really in. We'll be right back. Hey, yes, yes, yes, de retour sur Radio Panique, vous écoutez Tortoli et Arb Attack sur le 105.4 ou sur radiopanique.org. On vient de s'écouter juste avant Fat Freddy's Drop, la goutte du gros Freddy. Le titre c'était The Node, c'est issu de leur dernier album The Big Way and Bondi Bonga. Fat Freddy's Drop, des Néo-Zélandais qui perce. Notamment, il joue à Rock en Seine, il me semble, fin août, et un festival qui s'appelle le Cabaret Vert à Charleville-Mézières, dans le nord-est de la France, dans les Ardennes. Donc, amis belges, il y a de la place, on peut y aller. Faisons des covoiturages. Sur ce, sur cette bonne blague remplie d'humour que l'ensemble du studio a apprécié, notamment mes stagiaires qui sont venus en nombre. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, je suis un peu seul. Je suis sans mon Arb Attack. Arb Attack qui, aux dernières nouvelles, serait descendu sur la côte atlantique, les pieds en éventail, le mojito dans les dents. Tranquille, mimille. Mais voilà, je ne vais pas me démonter. Je vais quand même faire un agenda culturel, un agenda culturel, digne de ce nom. Du moins, je vais essayer. Commençons par ce mercredi au... En fait, c'est pas un endroit précis, étant donné que c'est Nova, le cinéma Nova qui organise ça. Tous les mercredis, si vous voulez, il y a une séance en plein air de cinéma, dans un endroit un peu insolite et avec une programmation assez engagée. Ce mercredi, donc demain, vous retrouverez au couvent de Jesus Church, l'église qui se trouve en face du Botanique, rue Traversière. Dans la cour de l'église, à partir de 20h, il y aura juste avant le film, en plein air, il y aura un débat sur les techniques d'enquête avec notamment un sociologue français de renommée que je ne citerai pas parce que j'ai oublié le nom, suivi d'un film, le film Opération Spring. Oui, vous avez très bien entendu, Opération Spring avec un P. C'est un film en fait qui traite d'une enquête policière qui a été menée en 99 en Autriche. Cette enquête, elle était à l'encontre de Nigériens suspectés de trafic de drogue. Donc voilà, ça traite un peu des techniques et des méthodes d'investigation un peu spéciales. Et voilà, ce film est donc précédé d'un débat sur ces techniques, avec notamment l'intervention d'un sociologue. Oui, monsieur. Je vous propose également le vendredi, donc ce vendredi, au Bellevue. Pas les brasseries Bellevue, mais le musée Bellevue qui se trouve près de la place des Palais. Une visite du musée, plus l'expo photo, plus, je vous le donne en mille, un film sur nos Golden 60s vu par la publicité. En fait, ce n'est pas totalement un film, c'est plutôt une compilation de publicités d'époque, dont des films publicitaires produits pour la Sabena. Voilà, nos Golden 60s vu par les publicités, c'est au musée Bellevue. Vous pouvez faire une petite combinaison de visite du musée, expo photo et ciné. Il vous en coûtera 5€. Oui, messieurs. Oui, madame. Je vais vous enchaîner directement avec le vendredi. Si vous n'aimez pas trop les brasseries Bellevue, vous pouvez vous rendre à la Place to Be. The Place to Be. Recyclard. Et ouais, vous avez sûrement remarqué que cet été, c'était un peu l'endroit où il fallait être, notamment parce qu'il y avait une série d'activités, de workshops et de concerts qui étaient assez hallucinantes. Et notamment ce vendredi, où on pourra assister à un concert de Chicha Libre. Et Chicha Libre, ce sont des Américains from Brooklyn. Et en fait, ils vont nous délivrer une première belge. Ils ont sorti un album sur le label Crammed. C'était notamment le label qui a soutenu, ou plutôt qui a sorti les galettes de nos amis de Staff Bendabilili et de Omar Suleiman. Voilà, Chicha Libre, c'est précédé par Locomotive et DJ Ricky Corazon et succédé par Cumbia Cosmonaut. Voilà. C'était donc mon agenda culturel. J'attends impatiemment l'agenda culturel de mon ami Arb Attack. Mais j'ai faim entendu qu'il n'allait pas venir. Avec tristesse. C'est pas grave, on va quand même se mettre du bon son. Juste avant, donc, on s'était écouté le petit Fat Freddy's Drop. Et avant le Fat Freddy's Drop, il y avait Molecule featuring Promo. Et là, on va continuer un tout petit peu sur un petit son reggae, un petit son show, un petit son ska. avec Fun Loving Criminals. Et le titre s'appelle Classic Fantastic. Juste après ça, on va se diriger tout droit vers une petite couleur rock, un peu électro, plus électro rock. Pour finir l'émission en beauté, 18h-19h, c'est Radio Panique, c'est Tortoli et Arbatax. Et ça va chier. Live from the studio here in New York. But we getting cold, pop the coat. We gonna take this party straight for sound. Show them how the criminals get down. Yo, Fizz. Well, you got away, you not and put the crack pipe down. It's been a while since I've been around town. Y'all getting fast since Carlito went away. Hey, yeah, I reloaded, okay? I'm thinking of you. And all the things that you do, yeah, I'm thinking of you. Hell yeah, that's true. So sway with the love that you got in our heart. And apart from being light to the spark, it's dark and the bad men will play games. Talking tough, dropping name games. Play it, that's a shame. Then the other day, punk tried to blow up the spot, but he will stop. Like, show him what you got, stop. Take it easy. Yeah, this ain't China, Hawaii. I got Frank like Oscar Mayer. Inspire, make you jump and shout. Yes, it's out, the criminals don't let you down. Who's scooping, Mata Hoopalin. I take the hip hop back to school, put the blues in. Now we cruising, body moving. Yeah, we grooving. The only Sue I know is Susan. Thinking of you and all the things that you do. Yeah, thinking of you. Hell yeah, that's true. I don't overplay your hand, lay in the cut. Mix it up, stay tough, acting harder than enough. Use your head, diversify your bonds. Say it like a song, hit it like a bomb. Yeah, gone are the days, but the dawn is on its way. And if you stay in the game, nothing gets in your way. Tenacity, guts, or what have you. Do they give you enough respect up on the avenue? Yeah. You just speak your name out, what? Stuck in a rut, but I'm the one that knows what you about. That's true. Yes, you radiate heat, you put the boom in the beat. You're the dream I wanna dream when I'm asleep. Yeah, far no chicken, no chicken, no way. Shuffling your pistol with me all day. Some say the underdogs are on their way. Man, we're here, and y'all press play. Yeah, the times need us, they come between us. Propping up Judas like Jesus to please us, please. Thinking of you and all the things that you do. Yeah, I'm thinking of you. Hell yeah, that's true. Thinking of you. Yeah. Thinking of you. Thinking of you. Thinking of you. Tortoli et Arbatax. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. It was a painful dance. Now I got a second. c'était The Black Keys. The Black Keys avec le titre The Next Girl. Black Keys des Américains de Ohio. Et juste avant The Black Keys, on s'est écouté Falls. Falls qui ont sorti un dernier CD il y a très peu de temps. Total Life Forever. Avec la pochette qui fait largement penser à celle de Nirvana. Et voilà, c'était très bon, c'était très massif, du rock un peu lourd. D'un côté, ces Américains, The Black Keys, les tout derniers. Et juste avant, c'était False avec le titre Miami. Et là, ce qu'on entend juste un petit peu derrière, ceci. C'est toujours The Black Keys avec le titre Everlasting Light. Oui, mais là on va vous enchaîner avec un petit rock beaucoup plus électro, celui de Ratatat, le dernier album qui est sorti, qui s'appelle LP4, le titre c'est Neck Brasses, on s'écoute ça direct. Et voilà, c'était Ratatat. Ratatat avec le titre Neck Braces, issu du dernier album, comme je vous l'ai dit, qui est sorti fin juin, il me semble. Enfin, voilà, c'est très très récent. Il est déjà 19h. Arbatax n'est toujours pas été délivré des mains de son travail, ni de son intellect, ni de je sais quoi d'ailleurs. Toujours est-il qu'on va se retrouver la semaine prochaine. Comme d'habitude, Tortoli Arbatax tous les mardis, 18h à 19h. Ça se passe sur Radio Panique. Voilà. J'espère que vous avez apprécié le son qui est passé. Il y avait pour tous les goûts, je le pense. Sympathiquement, on va se quitter. Pour toute remarque, toute réflexion, vous avez le Facebook de Tortoli et Arbatax. Vous avez aussi le Gmail. Gmail, c'est une boîte mail où on envoie des boîtes. On se quitte, étant donné que j'étais solo. Je vais vous quitter avec un titre assez évocateur, il me semble. Et je vous dis à la semaine prochaine, j'espère, bien accompagné. Ciao, ciao. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebraley. Mano negra. Tortoli et Arbatax ne prennent pas de vacances radiophoniques. Ou presque. C'est chaque mardi de 18h à 19h sur Radio Panique. Même pendant le mois d'août. Oui madame. Ah. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Je vous laisse des kilomètres de masse de sel, des kilomètres de pétition. Je vous remercie dans le monde, je m'en viens car avant vous de la chaîne, je suis au Mauritania. Et j'ai l'air en bas chez les gays, je vais aller à terre, ouais, voilà.